Thank you. pied d'un autre microphone pour faire des freestyles de dingue. Ouais, aïe, quand même tu le sais, yeah. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Just a freestyle. Where are you? Just a freestyle. mère dans une situation des plus stables. Couché sur le sable en train de péter un cap. Psychologiquement quand la routine m'envahit. Comme dit Jamel, trop de quartier, tue le quartier, moi il m'a achevé. À force d'y stagner, preuve d'empérer, j'ai décidé de draper même par intempérie. Et tant pis si j'y péris, et je dois laisser ma vie en exil. Car mes textes restent indélébiles. Freestyle, c'est le way que freestyle, c'est l'improvisation. sont magiques tels que t'es assez bon et proche, mais avant ça, je suis passé par l'état de la cagoule et de la lampe torche. Maman, c'est-il loin d'être un plastique, juste un mec qui reste béal avec des principes. Pas comme ces mecs qui clantent trop, c'est nos sépillages qui ont du sexe qu'on appelle androgyne. Oh, voilà pourquoi je continue à mettre des patates verbales en boulant un spari en foutant du club pénal. Je crache sur les euros car ça manque les francs. Ils ne cherchent pas les samedis soirs, shooter avec ta frangine. J'ai juste un 30 lignes qui te fait savoir que pharmace t'es divé tranquille. Oh, oh oui, c'est le freestyle de taille opérationnelle. Les bras roubaient, sera le rap et ça jusqu'à ce qu'on laissera une trace de nos vies sombres, d'une écriture saine. Tu baisserais les bras qu'après avoir fait tour du monde sur scène. Après avoir fait le tour du monde sur scène. Voilà pourquoi je tape des délires sur l'instrumental. Je tape des délires sur des instrumentales. Oh, oh, oui. Et on est hâle, toi-même tu le sais. Je balance la rime de dingue. Voilà pourquoi toujours opérationnel. Je parle sans mitrailler, même si je parle pas de flingue. On est à le pédale, je détache, je fais mal. Tu le sais toi-même, je reste opérationnel sur l'instrumental. Oui, oui. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, fire, toi-même, tu sais, on est opérationnel sur le microphone. On peut te faire des freestyles de dingue. Pourquoi tu veux test? Pourquoi tu veux test? Pourquoi tu veux test? Ok. Hey, les mecs, je compte sur vous pour changer d'instrumental là. Yes, tu fais le beat, mais on aime au délire. On est à l'pédale, c'est à l'fait mal. Je suis opé comme un animal. Tu sais très bien que sur le microphone, je m'anime, Mike. T'inquiète, on est à l'pédale, c'est à c'est du freestyle. Ah, ah, yeah. Yo, je t'en attrape, je m'attends, mon battre. Mais dans ce délire, de mon passé, mais refrain, je me battrai. Ouais, ouais, je me battrai. Le 68, ça t'avance à eux pour d'abondamment. Pas comme avant, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Ok, ah. Yeah, les mecs, je compte sur vous pour faire un nouveau son. Pour faire un nouveau son. Ok, c'est ça qu'on valide. C'est ça qu'on valide. C'est ça qu'on valide. Yeah. Ça c'est une instru bien sombre, je la valide. Ok. J'attends que les gens se calent sur l'instrumental. J'attends que les gens se calent sur l'instrumental. Ouais, ouais. Oh, oui. J'attends que les gens se calent sur l'instrumental. J'attends que les gens se calent, ouais, sur l'instrumental. Yeah, yeah. On cherche le bien partout, mais dans nos cœurs on a que mal. Réalise que chaque jour on veut se mettre bien, mais au fond on a que dalle. Ils risquent de se faire plomber les plombes, le rêve d'avoir le monopole avec une graine qu'on a plantée. Toujours présent pour faire le bien et le mal, car on a la dalle, envie de plier nos mal pour un nouvel avenir avec le sourire. Je verrai mes gars venir me saluer devant une tasse de thé et un calumé. Car comme tout le monde, je rêve d'un avenir prospère. Observe dans ce monde pour réussir, il faut de grosses paires en restant austère. Pas mal de choses inexplicables. Quand je vois les costards devant ce manque de richesse qui nous prive de ce bonheur, ça me rend ouf quand pour aller au taf je dois me lever de bonheur. Mais malgré tout, les putes parlent et disent qu'en Ferrari je frime. Mais les clashés pour moi, mon frère, ce n'est pas un Ferrari si. C'est juste une nuit de plus, touché par l'insomnie. Où surfait j'exprime mon cœur à travers des tas de souvenirs. Des mécréants passant ma route, comme des gens bien et des gratteurs toujours en baronne. J'capte de plus en main. Ok, on peut faire un regard. Wow, wow, wow, boy. Non les frères, je crois qu'il est temps de taper un autre beat. Ouais ouais, celui-là n'est pas entraînant. Y'a des mecs qui font n'importe quoi sur l'instrumental. Des t-shirts qui n'y a gagné. Attends, si ce soir tu peux gagner ton t-shirt. Yeah, accélère un peu le BPM, s'il te plaît, vas-y, c'est parti. C'est l'homme qu'on appelle Farmas Teddy. Ok, 1. Tu recherches ton sens de l'orientation. Moi chez App, je suis perdu depuis que j'ai vu l'Orient caleçon. On m'a dit que le monde aidait. Tu recherches ton sens de l'orientation. Moi chez App, je suis perdu depuis que j'ai vu l'Orient caleçon. On m'a dit que l'amour est la poésie des sens. Depuis je pense comme ça, mais y'a toujours trop de récits des sens. Trop de récits des sens. Trop de récits des sangs. Yeah, Encore une entrée percutante sans fils ni procédé. Dans le rap j'ai trop cédé car j'ai vu des renseignés. Tu peux te renseigner. J'analyse des phrases de dingue quand les histoires enchaînent. Les bonnes parties trop tôt et ces crises en thème restent souvent en place quand le vice t'entraîne dans les mises en scène. C'est ça le caractère ma fille, où y'a pas d'acteur à pile. Je l'ai appris par un client. Dans le rap je me sens comme un poisson dans l'eau, prénommé Flipper. J'ai plus de dossiers que sur toi, Facebook, Twitter. Ok, j'ai insomnie. Insomnia.com. Yeah, ah, yeah, ça tous les insomniaques, les insomniaques, ok. L'insomnie s'approche de moi, elle me ramène dans un effet somatique. Mais impossible de vivre sans elle, ce serait comme rappeler sans ma clique. En 2011, la vie n'a plus rien à voir avec celle d'Astérix. Yeah, ok, c'est la seule dédicace à tous les insomniaques. Yeah, insomniaque.com, l'insomnie. Ok, l'insomnie s'approche de moi, elle me ramène dans un effet somatique. Mais impossible de vivre sans elle, ce serait comme rapper sans ma clique. En 2011, la vie n'a plus rien à voir avec celle d'Astérix. Aujourd'hui, on vit tous dans un état qu'on nomme asthénique. On se perd dans la luminosité des étoiles pour voir le jour. Car la sous-critique de l'année dans la vie fait le tour toutes ces soirées où l'on observe les mêmes similitudes. Pour savoir ça, pas besoin d'en faire plus de similitudes. Yeah, les murs ont des oreilles, ton Facebook en témoigne. Insomniac.com. Ok, l'insomnie. L'insomnie. L'insomnie. Ouais. Ok, l'insomnie s'approche de moi, elle me ramène dans un effet somatique. Mais impossible de vivre sans elle, ce serait comme rappeler sans ma clique. En 2011, la vie n'a plus rien à voir avec celle d'Astérix. Aujourd'hui, on vit tous dans un état qu'on nomme asthénique. On se perd dans la luminosité des étoiles pour voir le jour. Car la sombritude de l'agneau de la vie fait tour. Toutes les soirées, on en observe les mêmes similitudes. Et pour savoir ça, pas besoin d'en faire plus de similitudes. L'homme qu'on appelle femme asthénique. Les murs ont des oreilles, mon Facebook en témoigne. Yeah, Facebook, le seul endroit où des millions de gens parlent à un mur sans passer pour des cons. Dans ce milieu c'est comme si j'étais le vaccin, toi le virus du HIV. Tu comprends pas, et si je suis chauffeur et toi le copilote, réalise que dans la vie c'est pour moi que ta copine note. T'as passé ici sur ma bite, viens voir ta go assise. Si t'es serveur fais moi un signe de la tête, sers moi un verre d'oasis. On m'appelle et tu clash, tout même si toujours au B pour fermer la bouche au Pikachu pour pas que je les clash. Même les grands pirons t'as pas dû comprendre que j'étais loin d'être bénin comme un grand client. Encore une fois je te répète, c'est juste un coup de gueule. Si tu me connais pas, tape des diffamations sur Google. Quand je t'ai vu toi et ton pote, je me suis dit qu'elles sont belles ses putes. Au petit sac lui vient pas test le mec, on l'appelle belle ses putes. Tu t'es réellement pris pour un mec de cérémonie. T'es pas crédible comme ça, t'arrives même pas à cérémonique. Alors arrête avec tes onomatopées. Pour moi tu ne restes qu'un homogramme P. Pédale tu sais se mettre de chaussures. Pendant qu'en Ferrari je prime de clash. Et pour moi c'est pas un Ferrari. Tu veux de la sombritude, hein? Tu veux de la sombritude. Yes. Hey, hey, ho. Nous on rends pas du boulot. On fait notre truc toujours au bout du goulot. Hey hey hey ho. On rentre pas du boulot, on fait de l'instrumental au bout du goulot. C'est normal on tease, c'est normal on tease, c'est normal on vit, c'est normal on tweet. Aujourd'hui la vie est limitée. C'est là la dédicace à Chris. Ouais. Parce qu'on est à de France en Suisse. Yeah, ouais. De percer tous les gens qui m'acclament dans leur cœur, faire renaître la flamme qui a perdu le dessus de nos larmes. L'Europe ne pousse pas forcément à se réunir et à sortir les armes, mais on convie à éviter le drame. Même si c'est dur, on essaie de se mettre bien avec quelques grammes, en rêvant d'amour, de joie avec madame. Et nos plats sont écrits sur ce putain de macadam. Mais nous reste une force, c'est de la solidarité en échange de respect, d'honneur et de vérité. Ce que j'apporte à mon public avec des textes écrits, pendant que je suis penché sur ce thème, certains s'amusent écrits, alors que d'autres sont en pleurs et n'arrivent pas à dire je t'aime. Dur de la vie, pourtant je reste sur mes envies, celle de percer, de faire battre des cœurs et rayer de vos bouches ce monde qu'on appelle peur. Dépendamment de quelques phases du protocole, obstiné, je reste comme quand un poteau colle. Ouais. Dépendamment de quelques phases du protocole, obstiné, je reste comme quand un poteau colle. Observe comment la haine reste une femme sans visage que tous les jours les jeunes envisagent. Alors reste à ton niveau, j'ai pas les gars qui s'emballent. Ce soir, je suis exposé verbalement comme 100 balles. Ce soir je vide mon parier, des l'IFAMA sur scène, ce soir pas ce soir donc plus parier. Ouais. Oh, oh, oh. Oh, oh, oui. Yeah. C'est juste un freestyle, juste un freestyle. What a with lion, wake up music. Je suis drink, il va démonter, te montrer que le but va dompter. Donc essaye de compter, gaz, espace vide, on va te vivre. Pourquoi j'utilise la tactique de ma critique gravité. Sa vie très sans sexuelle, t'as compris que j'avais même la gestuelle. J'avais même la gestuelle. Yeah, la clean distro. Dire la vérité, oui j'aime terre. Mais attention avant que des diffamas se transforment en Winchester. Le passé reste le passé. De nos tours et nos sales vies on veut se casser. Donc ce beat on vient froisser. Même si l'époque fut dure, on combat tous soudés. Encore plus fort pour le feu. Le passé reste le passé. De nos tours et nos vies on veut se casser. Donc ce beat on vient froisser. Même si l'époque fut dure, on combat tous soudés. Encore plus fort pour le futur. Encore plus fort pour le futur. Yeah! Cela se dédicace au poteau Absolute à 84 BPM, à Chris, à Coco. Yeah! Au max, c'est l'homme qu'on appelle Famas Teddy. Yeah! Parce que ça vient des 4 points de la France. Yeah! Bravo. Bravo. Bravo. Bravo.